Pandemay, ou le livre des conseils de Ferid et Dinatar. Chapitre 47. Portrait des hommes qui jouissent du bonheur. Quiconque s'est fait une habitude de pratiquer trois choses, ne peut manquer d'être heureux en ce monde. L'homme qui fait tout le bien dont il est capable, sans jamais reprocher ses dons, attirera sur lui-même la miséricorde de Dieu. Quoi qu'il voie à tout moment les défauts de ses semblables, il n'ouvre jamais la bouche pour censurer leur conduite. Si tu vois un homme qui s'égare, ramène-le dans son chemin, et tu auras une récompense assurée. Ne fais point supporter aux autres les maux qui t'affligent, et ne les accable point du poids de ton fardeau. Saadi recommande fortement, dans le Gulistan, de ne pas reprocher aux hommes le bien qu'on leur fait. Les Arabes disent en proverbe, « Fais du bien aux hommes, et garde-toi de le leur reprocher, car c'est à toi-même que revient le profit de ta bonne action. » Vers. En quelque lieu que prenne racine l'arbre de la libéralité, ses rameaux et sa tige s'élèvent jusqu'au-dessus de la voûte éthérée. Veux-tu en manger les fruits, ne mets pas la scie au pied de l'arbre, en reprochant les dons de ta libéralité. Vers. Remercie Dieu de ce qu'il t'a procuré les moyens de faire du bien, et de ce qu'il ne t'a pas laissé dépourvu des dons de sa générosité. Ne prétends pas que le sultan doive t'avoir obligation des services que tu lui rends. Reconnais plutôt l'obligation que tu lui as, pour la faveur qu'il t'a faite en t'admettant à son service. Gulistan, livre 8. Chapitre 48. Des moyens d'assurer son salut. Le chapitre 23 porte ce même titre, et il convient également aux deux chapitres, quoiqu'il ait d'ailleurs peu d'analogie dans les détails. Au surplus, les mêmes idées reparaissent fréquemment dans ce petit ouvrage, sous des rubriques différentes, comme le lecteur l'aura sans doute remarqué. Si tu désires véritablement assurer ton salut, il est trois choses dont tu ne dois jamais détourner ton visage. Que tes yeux, en premier lieu, soient continuellement fixés sur les décrets de l'éternelle volonté du Tout-Puissant, applique-toi ensuite de tout ton cœur et de toute ton âme à mériter ses faveurs, en faisant ce qui lui est agréable. Quelle est la troisième des choses dont il s'agit? C'est de s'éloigner de la violence. Quiconque observe fidèlement ces trois devoirs, est certainement du nombre des hommes purs. L'homme qui possède la sagesse, le discernement et l'intelligence, ne donne rien que dans la vue de Dieu et pour lui plaire. Si l'aumône est souillé par le désir hypocrite d'être revu des hommes, comment pourra-t-elle être agréable à Dieu? Si les bonnes œuvres ne sont aussi pures que l'or, elles auront le même sort qu'une pièce de fausse monnaie dont le changeur ne fait aucun cas, et qu'il ne daigne pas même regarder. Le moyen d'être riche en ce monde, c'est d'éloigner de son âme tout désir. Le mot « cœur » signifie aussi de la fausse monnaie, une monnaie de mauvais aloi. Hafiz a fait usage de ce mot dans une de ses odes. Elle me paraît si belle que je la transcrirai ici tout entière. Ce messager si renommé qui est arrivé du pays de mon ami, m'a apporté une amulette chère à mon cœur, dont l'écriture, qui rivalise avec le musc, c'est-à-dire, noir comme le musc, et de la main de mon ami. Ah, qu'il me peint à merveille les charmes et la splendeur de ce que j'aime, que ces récits me représentent bien la gloire et la majesté de mon ami. J'ai donné mon cœur à ce messager, pour prix des bonnes nouvelles qu'il m'a apportées, mais, hélas, je rougis à la pensée de cette monnaie de mauvais aloi que j'ai répandue sur la tête de mon ami. Grâce en soit rendue à l'Éternel, par un effet de la fortune qui m'est favorable, il n'y a rien que de conforme à mes vœux dans les affaires et la demeure de mon ami. Qu'importe désormais la marche du ciel et la révolution de la lune, tous leurs mouvements sont réglés par la libre volonté de mon ami. Notre visage suppliant ne quittera plus le seuil de l'amour, pour voir qui de nous jouira d'un sommeil délicieux dans les bras de son ami. Si l'ouragan de la destruction venait à réduire en un monceau de ruines le monde présent et le monde futur, mes yeux n'en resteraient pas moins fixés, comme le fanal qui dirige le voyageur, sur la route qui doit me rendre mon ami. Zéphyr matinal, prépare-moi le plus précieux collyre, avec la terre fortunée qu'a foulé le pied de mon ami. Quand l'ennemi méditerait la perte de Hafiz, que pourrais-je craindre? Grâce à l'Éternel, je ne rougis point de mon ami. Le sens mystique de cet ode ne saurait être douteux, l'ami est Dieu, le messager, Mahomet, le message, le Coran. Le poète a joué sur le double sens du mot qui signifie cœur et fausse monnaie. Dans l'Anvari Sohili, d'un a dit, grâce à Dieu, le discernement du roi est une pierre de touche qui discerne notre bonne et notre fausse monnaie. Et ailleurs on lit dans le même livre, la monnaie de l'humanité tire sa valeur de la bonne foi, la fausse monnaie du genre humain tire son origine de la perfidie, c'est-à-dire que la bonne foi est ce qui constitue la dignité de l'homme, et que l'homme de mauvaise foi n'est pas véritablement homme. Chapitre 49. De quatre choses qui sont des dons de Dieu. Quatre choses sont des dons de Dieu, ne les oublie pas, quand je t'aurai appris à les connaître. La première est la fidélité à ne rien dire qui ne soit conforme à la vérité, il faut y joindre la bonne foi dans la conservation d'un dépôt. La libéralité est encore une grâce du Tout-Puissant, si tu sais te rendre maître de tes regards, reconnais que c'est un don précieux que tu as reçu de lui. Éloigne-toi soigneusement de l'usurier, car il est du nombre des ennemis du Créateur. Celui qui a reçu de Dieu ses quatre vertus, est un vrai fidèle et un homme vertueux. Note. Il est assez difficile de dire précisément quelles sont ces quatre vertus. Peut-être ne faut-il compter que pour une seule, la véracité dans les paroles, et la bonne foi dans la conservation d'un dépôt ou d'un secret. Alors la seconde vertu sera la libéralité, la troisième, la vigilance sur ses regards, et enfin, la quatrième, le soin à éviter la société des usuriers, et, en général, des hommes qui ne s'occupent que de leurs intérêts, et négligent les devoirs de la religion. Fin de la note. N'est jamais aucune société avec l'insensé et l'indiscret qui a révélé les secrets que tu lui avais confiés, et vit avec soin l'homme qui refuse de payer les dîmes et le tribut de ses biens à la religion, et celui qui néglige de s'acquitter de la prière. Prends garde à n'avoir aucun commerce avec eux, si tu ne veux point être accablé d'afflictions en ce monde. Markendanarchive.org 2021 d'après Gallica BNF FR et Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial partage à l'identique.